Camarada, la jeunesse sous pression. Le son système tonne, que le système tombe. Salut, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, émission de Punk Sky Hardcore francophone qui diffuse à partir de souspressionpunk.com et qui est enregistrée à Ottawa. Ottawa, ville qui se situe sur du territoire algonquin, territoire qui n'a jamais été cédé, territoire qui est maintenant Ottawa, là, maintenant la capitale nationale du Canada, un pays où, comme on l'a appris deux fois dans les trois dernières semaines, un homme blanc peut tuer un jeune homme ou une jeune femme autochtone et le système judiciaire du Canada va les reconnaître comme non coupables. Ils peuvent les tuer, pas seulement les tuer, mais les avouer de les avoir tués. Et un jury et le système judiciaire vont leur laisser marcher sans aucune conséquence. Alors, ouais, c'est pas la première fois. C'est une réalité du Canada qui dure depuis 500 ans là, maintenant environ. Et c'est un exemple du racisme, un exemple du colonialisme qui continue au Canada. Et c'est vraiment, c'est ça le Canada. Le Canada, c'est un état colonialiste raciste. Et à chaque fois qu'on a des événements, comme on voit dans les deux dernières semaines, il faut crier, tu sais, justice pour Colton Bushy, il faut crier justice pour Tina Fontaine et crier justice pour toutes les victimes du racisme et du colonialisme à Canada. Cette émission est dédiée à tous ceux et celles qui luttent pour un meilleur monde. Voici du coupe-gorge. m'oblige-t-il à me voir? Le bleu infernal de tes yeux me brûle à leur regard. Resterai-je à jamais ton éternel mendiant? Serai-je éternellement ton esclave? Nous coloniser, nous détruire, nous soumettre et construire l'inégalité des classes. Vous remercier, vous servir, blanchir ma langue et rester à ma place. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter du Guerrier Poubelle de leur plus récent album La Nausée. C'était le morceau L'amour est un chien de l'enfer. Du Carapace avant ça, avec le morceau Dedans. Justine avec France Fanon. La Fraction avec Guerre d'Espérance, tirée de leur EP du même titre. Asile avant ça avec Kitsch Sippy Toxic, tiré de leur album du même titre. Et on a commencé avec du groupe Gorge, nouveau morceau d'un promo tape, s'appelle Précipice. Alors c'est ça, on va continuer avec quelque chose d'un peu plus vieux, quelque chose de plus vieux que moi, du Olivine Stein. Je vais faire jouer le morceau Je suis négatif. Alors c'est ça, voici les Olivine Stein sous pression. Que je méprise tout ce monde, ce qui agit, ce qui fait con. Oui, mais hors de la dépêche, je me dégrade en riant. C'est si bon, c'est si tardant. C'est si beau et si fondant. Moi je suis négatif en guise d'apéritif. Et je vous déclare la guerre en guise de dessert. Mon souvient m'en dire je crache sur mes rêveries. Mes vieux souvenirs d'antan, je m'en racle bien les dents. Surtout avec tout leur fou, mon haleine a les dégoûts. Et j'en pète ce micro, et derrière je fais l'idiot. Moi je suis négatif en guise d'apéritif. Et je vous déclare la guerre en guise de dessert. Je suis négatif en guise d'apéritif. Et je vous déclare la guerre en guise de dessert, Moi je suis négatif en guise de vomitif. Et je vous déclare la guerre en guise de serpillère. Dans le sang, et donc tu es coupable. Et je l'ai vu quand il coupait du bois. Son regard plein de haine m'avait rempli l'effroi. Cet homme est dangereux, il peut devenir violent. Il se promène en ville et fait peur aux passants. Il a le cri dans le sang, ça a été prouvé. Il a le cri dans le sang et on doit l'enfermer. Hey! Il n'a jamais commis de crime. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression. On vient d'écouter du Jeunesse Apatride de l'album L'Arme au Point. C'était le morceau Entre les Murs, Impact avant ça avec Dernier Combat, Banlieue Rouge avant ça avec Les Crimes dans la Salle de leur premier album, l'album En Attendant Demain. Et on a commencé avec les Olivenstein, le morceau Je suis négatif. Alors là, on est rendu mi-chemin de l'émission. Je l'ai pas fait au début de l'émission, là, de mon petit discours du début. Mais si vous écoutez en ligne, vous écoutez sur souspressionpunk.com évidemment, mais l'émission s'écoute peut-être aussi, l'émission s'écoute aussi à la radio à Ottawa et à Yellowknife, alors aussi à Show 89,1 FM à Ottawa et 103,5 FM le CVR à Yellowknife. Alors si vous écoutez pas à partir du site web, vous pouvez écouter ça à la radio terrestre à Ottawa et à Yellowknife. Et bien sûr, si vous écoutez à Yellowknife ou à Ottawa à partir de la radio, vous pouvez aussi l'écouter à partir du site web souspressionpunk.com. Et c'est ça. On a aussi une présence sur Facebook, facebook.com/souspression, et aussi courriel info@commercialsouspressionpunk.com. Alors, il y a plein de moyens de communiquer avec l'émission, avec moi, si vous voulez. Ou si vous voulez pas, c'est facile à pas le faire aussi. Alors, c'est ça, là, je vais faire mon petit rappel hebdomadaire. Là, on va continuer en musique avec le bloc sono mondial. Cette semaine, on fait un tour à Barcelone, on va faire jouer deux chansons par le groupe Acuchillo, tirées de leur album Tiempos de Violencia. Je vais faire jouer les morceaux Familia et Tiempos de Violencia, du vraiment bon hardcore, agressif. Brutal de l'Espagne ou de la Barcelone, je sais pas, c'est Catalogne, parce que je rentrerai pas là-dedans. Mais en tout cas, je vais me fermer la gueule, puis on va continuer avec du Acuchillo, les morceaux Familia et Tiempos de Violencia à Suppression. Es la historia de un hombre que cae de un edificio de 50 pisos. Para tranquilizarse mientras cae al vacío, no para de decirse. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Pero lo importante no es la caída. Es el aterrizaje. No diría peleando. No diría defendiendo la verdad. Construyendo nuestro futuro. Nadie nos va a parar. We'll be right back. ¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo. C'était Acuccio avec Familia et Tiempos de Violencia. On continue maintenant avec du nouveau de Rix et Laissant pas. vagues de manger, au bruit dans l'œil, sous la tempête, les averses de lumière de Noël. Lose! On vient d'écouter du Zone Infinie de leur plus récent album Rester et Fuir. C'était le morceau Je reste en ville. Toujours rien avant ça avec Loose Brigade, Poésie Zéro avec la crise du disque, du Ultra Ptérodactyle avant ça avec À tombeau ouvert, Ibrahim et les Dompteurs de Tigres avec Boom Dindan, Ultra Radia avec L'Horreur, et on a commencé le bloc avec du nouveau de Rex. Le morceau s'appelait Laissant pas, et c'est une cassette promotionnelle, promo tape. Je sais pas pourquoi ils ont pas juste fait un autre EP, j'en dirais que font juste des EP, mais en tout cas, peu importe, c'est trois bonnes chansons sur leur petite promo tape, et c'est ça. Alors je vais vous laisser avec un dernier morceau avant de vous quitter, je vais faire jouer du Charlie Foxtrot de leur album La Mèche Courte, sorti en 2014, le morceau La Mémoire Courte, et c'est ça. Alors passez une excellente semaine, prenez soin de vous, et on se retrouve la semaine prochaine. Un cercueil de la confiance. C'est un scandale. C'est un... t'en penser. Pensez.